Eneza Road, diwa roman Xavier Langlais. Rand ser, antul castis. Tu es dans tout le castis, en tout le bar, ma carine. En tout le bar, dans tout le bar et où amrasit? Ça dit gusta, dit plar, ouais. N'iraïne mais de mon adam, la fucking kid. Pas de tu as les bêtes d'un dix ou d'un zalé penny, aso savet evel reis et craze en tout le castis. Ah, pe sur torfe de deux redare à tout le barret. Pe l'eres, pe l'aran, martese. L'air est un muntra, ni verrenou, ya, si, was. Mais ce qui rion, ni verrenou, a bepliou. Araba de velato, mescan, en osperet, gand, sa autre rion, ni verrenou, er fol di kreis. Quen, gwella en da hortos evito, estreget d'armao. Andorfe d'orion ave dalre d'amant, azo anezo, daviana, tu diar, agarrel roaz, bouddha dreise. A michirur yon raiza disparneus. Diou vej brasor, tefor, a crefor eget an ol heureuse gwelet bedegen. Ken no po netra da zoujan, digan ar brisonet. Tram aviot e ser a reze. Deuil diner, pa la varandeur. Setu a rando rikel an tout le castis. N'est-ce qu'il morse n'aime zilan en tout li kerbien un oral à zomarvat évite ar piccolo micherourien adreis en se ne sken dori qu'il ne metti no de sket ar vardet d'avant tre de save din en tout le castiz mon aran ne no rauk ta zis quest de ornen Agian a genom ruzain en tout le riboul. Ur plar burpe da se liev. A chetu int in toul kastis. Treuzet gete un noritchel, in un gaujan in un doare porzet ginour. Boulek, na zidjore inon nameit un nora leptin. Ogen brasor un ta madouner eget un nani diavez. Ne wetche bet tihet gete oar kreiz en ur leur, pe fivaz un orse, nen dije djela den laret ge petra un diaol ou wech tanket. Ur micher ur stouva d'or eo. Ebarz! Ebarz! Agian a chillain in tual d'un toul d'or, d'où lezel de dremen, Netraes aurege montre, gwelou dari. Direiz ur rejon dizale, dilocht ar vanel verse, ma hen geti. A digwe hain ge por kreiz un toul kastis. Ini greiz un doare oglen veur, kleuzied un doar a lan a zouren diet, i vodjidelain el ma vijebe d'un tantat didani. Swehus un niver a vanelleu a zidjore tro-dro d'ur helva. Peb a wart stouvain do ramzel d'ur ouch tankain. A perak ve diwalet ke ar strisse d'or yu diabarz an toul kastis, pa neve ke zeret zo ken ar nini diavez. E toul ou bar ma bro, me an ol zor yu avez leuske... Lezit o pro l'er mema! Neve ke seret amman an or diavez dre neus dober e seri. C'est tu armiché hors tout le castisé de ton drume. Buntet gudur pichol guard de Bouizé Arnon, tchen la glement ou deur, ido ur prison yad, it treuza in ur por. Un izijin ur mechtron yain ar re doul gastizet ar isse lieu. Ar prison yad, eo e truwe e gishtad, ag mil bouen an dwe I fi va, teu a pouner el mawe, ur spont. La valet ding, isi jino, petran deus gred ar briz niver en mort. E barz ragen. Petra la varenez? An dervet gwechio da c'hor false en em lakad da dretat dregus. Dretat? Ne war enket e oa dretat ur peret ker brase. Ne ket dretat e oa avez ur peret skiantel. En em lakad da dretat a zevri kaer evit tremen dregus an ur dal. Ne la var enket. On a dans nol zio sur trois terroutes une en eus a roezio splenda ur folente zouez. Iver dedetch, un nizijin ur mechtronian ur e doulgastizet, ur raz ur lam, a de fardain ar ur plach spouronet. E barz! Nare! Ur meas! E barz raken! Mais ez eus da ziwaloto. Kassa eus eo evelato bazon, j'en evo rete eo gortoz ma vo echua ilpena du remba ken mont da sala ilpena. Hag ne relen mon emi neme da ininu. A perag na fem ket ermez da c'hortoz? Dre ma ne relini mon ar alema e boude ilpena da genta. Ma fel deor, evelato, teur e lor zel var an tout castis, netra e sor. E om ta, rage, a bepred, rage. Ken koul zo e de Liliana, mondre ur vanel, pedre ur vanel al. Gudman ne veu hetchet, d'ur sal eil pennain. Rag burped e klaske in I fen, penaoz I helahe, un am zilu yain a halino, hep bout eil pennet. Setu, sa labour adrezo ar vichy rorion starda di starda bezo stri. A petra deus gren eus ed a ve an toul kastizet? Reo an ezo o deus tardet en ur vis o di jet leet di starda. Ur vis o deus di stardet a real, pa oan starderien bis o a vich. An avezo da an, miche rorion a rafe fat deor o da rembredi. Da aveli un tamik o pen. Miche rorion c'hwez an avel ave gred an ezo. Dezo da zistanna an aer e lec'hio kuz a zo. A petra o deus gred neuze a re an eho o c'hus tout le castizet. A rezo a man Ne kedre o gennou deus klasket rezo avel. C'était. Inez a rôd, diwa Roman Xavier Langlais, Davout Kendalret. Asasad a 79, Anaïs Leroux. Wari, Jean-René Limoulec. Azenor Kalak, Paul Madec, Tanguy Daniel, Morwen Lenormand. Sonain, Ronan Le Gourierec. Enrolain, Framain a Kemeskain, Jean-Maï Olivier. Produit, Samuel Julien, Ian Djengolo Filmeux,